musique et la musique d'aujourd'hui. Voilà. D'accord, donc quand vous dites vieille musique, c'est l'âge d'or un peu de la rumba congolaise, années... la rumba congolaise. Voilà, rumba congolaise, ouais. Fin des années 50, début disons, des années 60 ou plus tardive. 50-50, on joue à partir de Rochero. D'accord. Jazz. Ok, plus tardif. Voilà, ok, voilà. Ouais. Ok, bon, c'est ce qui constitue quand même encore les bonnes années de la rumba congolaise, quoi. Ouais, parce que dans tu sais à cette époque-là, la musique congolaise, c'était vraiment la vraie rumba. Mmh. Voilà, tout à fait, ouais. La vraie rumba, parce qu'aujourd'hui, si on regarde un peu les jeunes d'aujourd'hui, ils mélangent un peu la musique d'aujourd'hui. Mmh. La rumba, mais ils mélangent un peu avec beaucoup de choses. Bien sûr, ouais. Nous, on n'écoute pas du tout tout ce qui est après les années 80. Je crois qu'on a, voilà, on a un petit peu laissé tomber, ouais, enfin jusqu'à 82, 83, mmh, 84, ouais. Vous avez avec Loquet Jazz. Mais... La musique, enfin, l'époque des orchestres, c'est principal. L'époque des orchestres, et puis un peu ce qu'on appelle nous, nous, je ne sais pas si d'autres que nous appellent ça comme ça, mais les deux âges d'or un petit peu de la rumba congolaise, donc quelque chose de très proche des sons afro-cubains, donc fin des années 50, mm-hmm, début des années 60, ouais, qui ont accompagné l'indépendance notamment, mm-hmm, avec l'African Jazz, Loquet, ouais, Jazz, tous ces débuts-là, mm-hmm, et puis des sons un peu plus tardifs des années 70 avec... pas mal d'artistes de l'écurie Verkis, ouais, donc Bella Bella, Kiam, ouais, et puis les, voilà, toutes sortes de Niboma, voilà, ce genre de personnes. Donc voilà. Ouais. Ouais. En discutant la dernière fois, Laetitia ou toi, je sais plus, vous m'aviez dit que tu avais été ami avec Madilou System. Oui, le Madilou System, c'est un grand frère d'abord, mmh, et puis on a fait connaissance. Quand on est parti en vacances en Kinshasa, mmh, donc puis on était où nous on habitait, lui il est à côté. Mmh. Après on lui a dit que nous on habitait la Suisse, Genève, et puis après il a fait connaissance avec nous. À partir de là, quand on est revenu ici, on s'est fréquenté. Voilà, mmh, on s'est fréquenté à chaque fois quand il était au studio, il m'appelait. Quand j'étais à Paris, on était. Et puis après il est parti suivre sa femme vers le canton alémanique. Et puis, mmh, ça n'a pas joué, il est revenu ici. Il fallait, avant de remettre le document, il fallait avoir une adresse. Mmh. Il a mis son adresse chez moi. Okay. Donc, on se voyait, mmh, souvent jusqu'à sa mort. Ouais. Voilà. C'est vrai que nous, on est impressionnés aussi par la gentillesse de tous ces anciens qui ont connu quand même une certaine gloire au pays, un peu moins peut-être chez nous, mais peut-être une certaine gloire aussi en France, notamment à Paris ou à Bruxelles. Et puis on a été nous impressionnés par leur gentillesse, et c'est vrai que on a eu affaire à Niboma qui nous a, Karl, tu peux expliquer ça, qui a fait, mmh, un petit texte dans la compilation qu'on a sortie. C'est Skamolenga aussi, mmh, avec qui on a eu des échanges très très courtois. Enfin voilà, on se rend pas compte à quel point ce sont des grands musiciens, et leur humilité nous a beaucoup touchés en tout cas. Mmh. Et moi, je sais que la prochaine fois, on va essayer d'arranger ça, parce que moi, je connais aussi le soliste de Pepe Calais. Il habite ici à Genève. Donc, il continue toujours la musique, mais il est souvent à Paris avec un groupe Niboma. Ils font maintenant D'accord, ouais. Alors, la prochaine fois, peut-être on va essayer, mmh, d'arranger ça. Ah, moi, bon, je l'appelle, volontiers, il vient ici, mmh, et puis ben, voilà, il fait la radio avec vous. Parce que dans un second temps, l'idée, ce serait pour nous, en tout cas, au-delà des compilations qu'on a envie de faire et des hommages qu'on a envie de rendre à ces gens-là, c'est d'organiser des concerts avec ceux qui restent. Et voilà, ça serait pour nous l'aboutissement de notre projet. Il y a toujours cette possibilité-là. Hein, parce que moi, je connais quand même certains artistes, c'est des musiciens, ils n'ont plus de groupe. Ils jouent de gauche, mmh, à droite. Si quelqu'un veut faire quelque chose, il appelle, il vient, il part à Paris, il revient. Mmh. Il y a toujours cette possibilité-là. Voilà, quand vous voulez faire quelque chose avec la vieille musique, il y a toujours possibilité de contacter deux, trois chanteurs, deux, trois guitaristes qui peuvent venir et puis vous donner votre idée. Moi, je trouve qu'on a parlé avec eux. Son idée, il est génial. Mmh. Voilà, il m'a dit, bon, maintenant, on va voir un autre jour, essayer d'organiser quelque chose. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Merci beaucoup. Je viens et puis... avec certains trucs peut-être vous connaissez pas, mmh, je peux toujours venir, vous laissez écouter et puis ben voilà. Ah, c'est très bien. Merci beaucoup. C'est une bonne rencontre. Ouais. Bonne nouvelle. Et... il a tapé à la bonne place. Ouais. Et, mais je me demandais justement par rapport à ces vieux sons rumba des années 60, on dira, est-ce qu'il y a encore une transmission de la part des anciens vers les jeunes qui veulent se mettre à la guitare dans ce style-là de rumba? Moi, je pense pas, ils ont transmis. Peut-être ils ont transmis, mais le jeune d'aujourd'hui, ils ont amené leur musique à leur façon. Parce que peut-être ils ont trouvé, parce que tu sais, la musique, si on voit le Rochereau des années que vous dites là, il y avait les chanteurs, ils chantaient trop, et puis ils laissaient un moment au guitariste. Le guitariste jouait un peu beaucoup. Voilà, les guitaristes jouent beaucoup, et puis après, les chanteurs reprennent, ils chantent, et puis après, la chanson va à la fin. Donc, il y avait beaucoup de minutes. Si vous regardez les vieilles, il y a trop, c'est long. Donc, aujourd'hui même, si on joue, on est obligé de couper. Bien sûr, ouais, c'est plus des formats de chansons qui sont adaptés aussi aux radios actuelles. C'est vrai que c'est particulier. Mais j'ai vu qu'il y avait un certain retour à des musiques plus anciennes encore, des musiques plus folk, comme Wendo Colossoy, comme ça. Une jeune génération qui s'intéressait à ces musiques, donc avant la rumba congolaise même, et qui avait un renouveau au pays, à Kinshasa. Mais moi, je ne connais pas du tout ce genre de musique. Mais parce que même Wendo, aujourd'hui, à part Wendo, il y avait une femme qui chantait Lucie Yenga, effectivement. Voilà. Mmh. Elle aussi, elle chantait, elle a des belles chansons aussi, très très bien. Donc, pas trop de guitare, mais avec sa voix, déjà, elle avait une belle voix. Donc, et puis rajouter plus de guitare, c'est génial. Je vais vous faire écouter ça un autre jour. Très bien. Donc, c'est des belles morceaux, Lucie Yenga, c'est génial. Tu parlais de Wendo Colossoy, j'ai écouté ses morceaux. Il y a beaucoup de fois où il chante à la façon du yodel suisse. Ouais. Alors ça fait un pont entre les cultures assez génial, parce que tu as l'impression d'entendre un vieux Suisse chanter dans sa montagne quand tu l'entends. Voilà, il avait un peu ces tempos-là. Ouais. Comme dit le truc suisse là, voilà, le folklorique suisse là. Ce qu'on retrouve aux États-Unis aussi, dans la country, avec certains comme Hank Williams, ces gens-là. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de frontières. L'histoire de la rumba congolaise, c'est aussi l'histoire d'une musique qui voyage beaucoup et qui est partie d'Afrique et qui revient, qui est retransformée en super métissée. Ouais. Voilà, je pense qu'on va laisser place un petit peu de musique quand même. Carrément, là. Qu'est-ce que tu enchaînes là? Alors, on a passé avant un morceau de Negro Succès, donc le groupe dans lequel a joué Bavon Marie-Marie. Je ne sais pas si la prononciation est bonne. Oui, Bavon Marie-Marie. Il était le frère cadet. Le petit frère de Franco. De Franco. Voilà. Ouais. Et donc, Franco lui a rendu. Il faut savoir qu'il a eu un accident de voiture. Je crois que Franco était avec Lucie, sa femme. Ce frère, elle s'appelait Lucie. Était avec sa femme et lui a cru qu'il s'était passé quelque chose entre eux, donc il était très fâché. Et quand il a retrouvé sa compagne, enfin cette fille Lucie, il est parti sur la route très en colère et très jaloux, très aviné surtout. Il a eu un accident de voiture qui lui a coûté la vie et les deux jambes à sa compagne. Donc on va écouter un hommage qui est assez que je trouve très très beau. On en reparlera après de Franco, qui a mis quand même du temps à faire le deuil, qui a aussi parlé de sorcellerie à propos de son frère. Donc et peut-être pour apaiser un petit peu cette culpabilité qu'il avait. Mais quoi qu'il en soit, c'est une très très belle chanson que vous connaissez peut-être, un hommage à son frère. Voilà, on écoute ça tout de suite. C'est Kinsiona par l'orchestre OK Jazz. Marie tandile, pe wanda kufungu ya ye munu kwani batabinge, munu kwani batabinge. Ah, mon amour, ma maman. kwani bata binge atata angangas mono muntu leke mutandile mari mari tandile bevanda kufungu yaye mono kwani bata binge mono kwani bata binge. Mama, alingaka azwaka mbongo mingi te mama Wanda tata na yo alobilanga motema batinda kate kare bigoye oyokana oyingana soyez heureux. Voilà, voilà, c'était les Bantous de la capitale, Pamelo Munka, donc avec le titre Mama na Moana. On m'entend bien là ? 1, 2, 1, 2, nickel, nickel, nickel, nickel. Voilà, donc on continue notre deuxième spécial Congo. Hein, donc vous savez très bien, nos formes grooves éclectiques, musique incendiaire pour mélomane, pyromane. Donc toujours la société des ambianceurs. Avec dans les studios de Radio Zine des débats sur la musique actuelle congolaise. Donc avec quand même des jeunes une jeune qui est là pour nous, qui va peut-être parler plus tard. Mais c'est vrai que voilà, moi je parlais de la nouvelle musique congolaise en termes d'instrumentation ou de son. Et c'est vrai que bon, voilà, par rapport aux paroles, peut-être qu'il y a des choses, certainement qu'il y a des choses aussi intéressantes. Et j'imagine que même musicalement, il doit y avoir quand même quelques groupes à dénicher qui sont intéressants. Voilà. Mais peut-être que Laetitia nous en parlera plus tard. Si elle arrive à vaincre cette timidité. C'est que moi je dirais, tu sais, dans cette époque-là, il y avait des studios, pas comme aujourd'hui. Hein, parce que dans cette époque-là, il faut dire que ces gens-là, ils sont trop forts. Parce que dans cette époque-là, c'était quand on fait une erreur, on ne peut plus revenir, on ne peut plus l'enlever. Mmh. Donc, jouer la musique, quand vous pouvez répéter, quand vous commencez, vous jouez jusqu'à la fin. Mais, tu vois, les, déjà, si tu, vous écoutez les sons, vous allez entendre que les sons, ils sont nickel. Bon, il y a certains disques, ils ont fait aussi des erreurs, ils ont laissé, ce n'est pas des, des normes. Mais aujourd'hui, dans les studios, c'est moderne, tu fais un truc, ils enlèvent. C'est... Voilà. Et je crois que ça, voilà, la production... s'en ressent fortement là. C'est vrai qu'on sent une espèce de, d'urgence et de, on sent qu'on a affaire à des musiciens. C'est vrai que ça, ça pardonne pas. Donc pour la suite, est-ce que vous aviez des choses à ajouter? Non, mais moi j'ai, pour l'instant j'ai rien. Je suis content d'être là et de faire l'émission avec vous. Et puis je vois déjà que j'ai pas beaucoup à vous apprendre parce que je vois déjà arrête. Tu sais, je vois déjà que vous avez déjà une certaine avance parce que quand j'écoute ces chansons là que vous jouez maintenant, ben moi je suis étonné pour des jeunes. Voilà, parce que c'est moi, j'étais né, mes parents déjà écoutaient ça. Il y a certains morceaux là j'écoutais, moi je l'écoute même pas. Voilà. Mais des fois, comme il y a des fêtes, des fois, tant que DJ, maintenant, je fais mes recherches, je déniche des morceaux de gauche à droite. Voilà, il y a des vieilles. Aujourd'hui, on a aussi la facilité de, par Internet, de trouver tous ces morceaux-là. Bon, mais je vous félicite d'entendre de tous ces morceaux-là. Merci. C'est super. Et puis, étonnamment, nous, ce qu'on constate, c'est que, effectivement, moi, j'ai un certain âge. Le fils de Bizet de France est un petit peu plus jeune quand même, mais on a à nos soirées des gens qui sont très jeunes et qui viennent danser, qui ont un plaisir aussi de danser en couple, ce qui n'existe plus vraiment, ce qui se fait plus vraiment. Donc on sent que ça touche aussi une jeune génération, ce genre de musique. En tout cas, ils sont contents de découvrir quelque chose en Europe, d'autre. En Europe, en tout cas, ça, on arrive à toucher justement. Voilà. Enfin, la rumba congolaise arrive à toucher encore un jeune public. Après, en Afrique, c'est Je vous félicite de continuer parce que c'est un truc. Si vraiment les gens, ça fait un moment que vous avez commencé, ben, les gens ils aiment. Donc ça veut dire que c'est un truc de bien. Voilà, parce que là, il y a certains gens qui ne connaissent pas cette musique. Et maintenant, à partir de là, ils demandent c'est quoi comme musique? C'est la vieille musique congolaise. Parce que peut-être la personne il connaît la musique d'aujourd'hui. Hein, la musique de jeunes d'aujourd'hui, mais s'il écoute des genres de musique comme ça, il dit mais c'est génial. Donc tu vois la différence de la musique. Voilà, parce que nous on a grandi avec certaines musiques. Hein. Nos papas nous écoutaient ça, comme de Franco, de Wendo. Nous on est encore gamins. Voilà, de Wendo, de Lycée Yenga, il y en a beaucoup, de Vicky Longomba. Mais nous on était des jeunes. Voilà, mais si peut-être moi je suis déjà âgé par rapport à vous, mais si vous écoutez ça, c'est génial. C'est génial. Continuez. Tonton, donc à ce propos, donc quand tu es arrivé, je t'ai dit qu'on avait un cadeau pour toi. Ouais. Et donc ce cadeau, ce sont donc les deux disques qu'on a sortis donc jusqu'ici. Ouais. Donc voilà, donc Botena Beno volume 1 et Botena Beno volume 2. Tu sais quoi, je lui ai prêté un des deux. Donc du coup, il y en a un qui va me revenir. Pas de problème, mon pote. Donc voilà ce que l'on défend maintenant depuis 4-5 ans, Pili, c'est ça? C'est ça. Depuis 4-5 ans, donc voilà le projet que l'on défend, donc à savoir rendre ces lettres de noblesse justement donc à la musique Zaïko, donc la musique du Zaïre et la musique du Congo, donc alors, c'est pas facile, mais on s'accroche. Il faut s'accrocher. C'est pas facile, mais on s'accroche. Là, déjà, vous avez fait déjà un bon début. Ça va. Ça fait combien de temps que... Ça fait 5 ans. C'est déjà beaucoup. Donc, vous avez déjà fait un grand pas. Bien sûr, ça marche. Déjà, on le voit simplement dans les soirées que vous passez des disques. Quoi. Le public est présent. C'est vrai, c'est vrai. En termes de danse, il n'y a pas photo. Ils connaissent pas les morceaux, ils connaissent pas ce style et ils dansent directement dessus. C'est déjà bien, continuez. Donc moi, la prochaine fois, si vous avez une soirée, vous m'invitez, je viens. Ah, mais carrément. Mais avec des trucs peut-être que les gens, ils ont jamais tendu, je vais essayer de mixer et puis faire avec aussi plaisir. Ouais. Le 12 mai, on passe au cabinet, là, donc la semaine prochaine, le vendredi 12. Ouais. Donc si t'es dans le coin, Je vais regarder. Merci pour l'invitation. Je vais regarder d'abord mon planning parce que comme maintenant il commence à faire beau, il y a nos fêtes africaines, les gens qui ont des 50 ans, les gens qui ont des 60 ans, ils viennent toujours vers moi. Je prépare des soirées. Mais le 12 là, si j'ai rien à faire, je dirai à Laetitia. Pas de problème. Avec plaisir d'être là. Pas de problème, pas de problème. Enfin voilà quoi. Donc c'était important pour nous. C'était important pour nous justement donc de t'offrir ces disques. Donc voilà quoi. Donc le cadeau est passé. Ok, écoute, je dis merci. C'est vraiment gentil de votre part et je suis content. Je n'ai pas perdu mon temps. Merci beaucoup. Et puis ça tombe bien parce qu'on va écouter un morceau qui est sur une des deux compiles, sur la deuxième, Sauf Erreur. Peut-être qu'on va pouvoir avoir des explications sur le titre, Toko Zenge Nanzambe. Alors là, pour la prononciation, je suis désolé. Toko Zenge Nanzambe. Les grands maquisards. Je suis désolé. Teza d'Alien. Ouais, on avait Vangu aussi. Gouvano, pardon. Oui, mais qui s'appelle Vangu aussi. Donc Gouvano qui était le guitariste des Maquisards. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est un morceau qui est sorti quand Mangona avait quitté le groupe. C'est juste, voilà. C'est la séparation des grands Maquisards. Du festival des Maquisards. Ouais, le festival. Qui est devenu les grands Maquisards. Voilà, quelques mots sur le... sur le titre, c'est... Le titre, ça veut dire Toko Senga Nanzambe. On demande aux dieux. D'accord. Parce que eux, à ce moment-là, ils ont fait leur groupe. D'accord. Ça veut dire ils ont demandé à Dieu. D'accord. Le ouais. groupe. D'accord. Le groupe dire. Mais malheureusement, ça n'a pas duré cette groupe-là. Voilà. Ouais. Et bon, on retrouve la voix de Nteza d'Aliens. Désolé encore une fois pour les prononciations, mais et puis donc pour moi une très très belle voix, même sans évidemment. Comprendre ce qu'il dit, je suis vraiment très touché par cette voix. Donc tout de suite on écoute ce morceau peut-être. C'est parti. Solingomba baninga bakomi peko kima tolela nenge nini bambangie bipai biso kaka kotongo babe biseli biso lingomba baninga bakomi peko limwa. Futa atika ba makiza ba sala na nyangoto boma na nyangoto boma ngama kaka poto bongisa makizar na biso Mwana si misi e konzuluka Kaka mpote bumbisa Ningombo e bunga Toko tuna kaka na nzambe Toko senge kaka na yezue Toko sambe laka na nzambe Na nyango toboma Totongo koba Sumunini to sala Nanyango to boma Mosala siri sankana na motema e okangi bisaka okei otiki ngana na michu ekokamwisanga soka ya malesa masengi nya ya bato oyo oyoki ebaloli yo moto fongola biso bakosa ya tehe opimelani fongola matesi tala ndenge nazingi mapakolokola mosambeli na mawa lokuta ekoma lokola mbongo na mokili selikanisa soki bato mibale balingani mingi mama balobi ezalinkisi ye balobi ezalinkisi ye balobi ezali bolingo ya molangi tala ndenge nazingi mapakolokola mosambeli na mawa lokuta ekoma lokola mbongo na mokili selikanisa soki bato mibale balingani mingi mama balobi ezalinkisi ye balobi ezalinkisi ye balobi ezali bolingo ya molangi balobi ezalinkisi ye mi pole na motema Bakai mwana na komiko yenga yenga Ava yokei, otiki ngana nani Ngana nelio mama ho Nazangi baninga ya motema e Na bandili kama ya pomwane Ale chance uti wapi mama Ngana loba nisusu nini Tabali motema mama Na bongi ya ozongai Tabali pasi pwale na motema e Bali de Cosmos Mutuari. Donc c'est sorti, début 80. J'ai pas la date exacte, mais comme dans toutes les bonnes productions, congolaises de l'époque, on retrouve en guitare solo Master Mana Congo, Bofi à la batterie et pour les bacs, on a pas Momiel. Hein, donc enfin voilà, c'est encore une fois, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Donc Cosmos Mutuari qui a fait partie du trio Sepako, qui a aussi un petit peu joué un temps avec les Bantous de la capitale. Voilà, donc toujours très bien d'écouter ces petites choses. Là, on va gentiment laisser la place à l'ancien, c'est ça, Tonton? Ouais. Tu vas un peu nous ambiancer là? Ouais, je vais essayer de mettre un ou deux morceaux là par rapport aux disques que je vois devant moi, et puis voilà. Bah, écoute, moi je te laisse gentiment te mettre en place. Installer, ouais. Donc on rappelle, hein, la Société des Ambianceurs, Docteur Pili Pili, moi-même le fils de Bizet de France, nous serons pour une soirée qui, j'espère, sera mémorable. Donc le vendredi 12 au cabinet 54 boulevard Saint-Georges. C'était mémorable la dernière fois, non? Il y avait du monde jusqu'à Nyon, quasiment. Ouais, donc, il y avait beaucoup de monde au cabinet. C'était vraiment une très très bonne soirée. Et puis on est rentré au quai et on est sorti. On est sorti KO. Pour reprendre l'adage de l'hockey jazz. J'étais même KO une bonne partie de la journée suivante d'ailleurs, mais bon. Voilà. Là, je vois les disques qui sont en train d'être préparés. Là, il y a Merveille du passé, 68, 69, Les Grands Maquisards, Bimi Ombalé, ex-Shockstar ou clan le Langa Langa, Bimi, tonton. C'est Bimi Ombalé, c'est une chanson de Bimi Ombalé, il a fait tout seul quand il est parti un peu de Zaïko. Voilà, donc il a fait un album, mais bon. Et puis il a trié un peu des musiciens de gauche à droite, et voilà. Voilà, ça c'est Carlito, il a chanté. Et ça c'est. J'ai oublié comment il s'appelait. Il jouait dans Shockstar. Voilà, il a accompagné, donc il a trouvé des musiciens à Paris, et puis ben, ils ont accompagné. Ah, c'est Roxy. Voilà. Non, ça c'est pas Roxy, c'est un chanteur, voilà, le nom ça va venir. Il accompagne au chant. Voilà. Ouais. Voilà. Ok, tonton, je te laisse faire comme à la maison. Ouais. T'as les volumes ici, là. Ouais. Exactement. Ah, ok. Je t'aime, ministère au Kouta, Zambé Nara, contre Nino Bongwani. Casino Bola n'a pas ni envoyé, ni Santa Mama, Molino Boyo Kaye. Batte la momoto n'a pas, Naïve Okola, n'a pas ton saé. N'a mes sene qui m'ont ici. Esili, yokatina na koloba. Esili, santani mama. Naina koli zaiwara, na koloba zaiwaza. Molimo nanga, esengi molimo. Nalemi ba je t'aime, minise lokuta. Zambe namba, motoni na kongwani. Siobola na poni oboye, isata mama, molimo oyo kae. Batela momoto na mbara, maite lokola, na moto sae. Na mesele kimo tungisi, esili, yo patina na koloba. Esili, santa ni mamba. Molimo na ba, esengi molimo. Nalemi ba je t'aime, midise a lokuta. Nzambe na ba, motoni na bomwani. Kasi lokola na poni oboye, misanza mama, molimo oyo kaye. Batela momoto na ba, naive lokola, na moto sae. Yokatina na koloba, esili santa ni mama. Baboti mama, bye bape bandi mamo balio yolingi Azali nani Nakobanga mingi Nokite papa loba Mobali yango voyou Azela kayo sena bakwen Bimisa baeba malamu na maben Sokili kamadie ezali soni mingi Bimisa baeba Azali nanie Nakobanga mingi Nokite papa loba Mobali yango voyou Azela kayo sena bakwen Bimisa baeba malamu na mabe Sokili kamadie Ezali soni mingi Bimisa baeba Thank you. to poto Na komo kima ngai Kona zangi normal mbe Mawa Zonga ye makali Na maboko kwele na konsele yo mama Koma lana na yo Zombie, mon amour, oh zombie, zombie, magali, na.

di bonne pe na biso mene lo banandi dio ongwane biso Je dirai tout à Delphina. ta mwana mama. Georgette ta mwana mama. Je dirai tout à Delphina. Georgette à moi la maman, tu m'as rendu très malade. Georgette à moi la maman, mon katinga y monte ma. Georgette à moi la maman, tu m'as rendu très malade. Georgette à moi la maman, pour Katinga y monte ma. koyete ike inanga na pona mama ya banana ngaki edi ba possible etumbu nini nangai mwasi ya kimili balai atikelinga mwana zana no pepeo mawa na koti ya ye wapi kai komo solo moke tena si adapo ya kengela kaye bambanda nanga baganye monopol tika bango balo bae mokile lingise boye pasi nyoso na komono sepo na yo mamae kende malamu adana ndoto ndoko monana oh. Ganga pese na nae choli y ella largue Bambanda nanga bagaye monopole tika bango balombae mokile lingise boye basi nyoso na komono sepo na yo mamae Nime malamu adana ndoto toko monana Mwana dobodi nani ako bokolo mbosawa kiedi nanga songela nga mwana mboka gana bebi ya wa santi mamote mananga nyoso eke musika mama kala toza lakana yobo epe kiedi nanga sire mabata mbwisi omoto na kasa ya ble kiedi dina nini kiedi oselipo ye o kiedi Nga anito natikali eloko pamba Bengi sabaninga nanyoso baya baya sapena lebela femina ngaye bakatali kambo malape basi nayo basi namba basi abisa mi bale kanisa mwana toboti nani akobokolo ngosawa monamungo gabi Songelanga mwana mbokanga na bebi ya wa Santi mamote mananga nyoso eke mosika mama Kala tozala kana yomu ete kie dinanga Sire mabata mwisi omoto na kasa ya ple kie di Dina nini kie di Moselibwe o kie di Nga odimbo natikali eloko pamba Thank you. sawa qui est à l'arqué. Sentima mote mananga nyoso eke mosika mama Kala ton salaka na yobwe keki ekinanga Sire mabata mbwisi omoto na kasa ya bebi eti Ina nini Iedi Oseni boye Oki iedi Nga mobadi Oh, natikali eloko bamba Kali yasi Baninga na nyoso baya baya sa pena lobela fami na ngaye bakatali kambo mimi basi na yo basi na nga basi ya biso mibale kanisa mwana toboti nani akobokolo ngosawa monamu gabina nga lelele songelanga mwana mbokanga na bebi yawa sentima mote mananga nyoso eke mosika mama Kala tozalaka na yobu ite kie dinanga Sile mabata mbwisi omoto na kasa ya ble kiedi Kina nini Kiedi Kuseli kwe O kiedi Mba mobali O natikali eloko pamba Tengi saba ninga na nyoso obaya Baya Sapena lobela fami na ngaye bakatali kambo malabe Basi na yo, basi na nga Basi ya biso mibale Kanisa mwana toboti Nani ako bokolo mbosawa Monamu Kiedi na nga Lelele Songelanga mwana mbokanga na bebi ya wa Sentima mote mananga nyoso eke mosika mama Kala tozalaka na yobu ete kie dinanga Sire mabata mwisi omoto na kasa ya ble kiedi Kina nini Kiedi Oseli kwe O kiedi Nga anita O natikali eloko pamba Deponji Là, de retour en direct, donc là c'était Kiedi, interprété par le seigneur Taboulé Rochereau et hop là. Une composition de Dino Vangu et évidemment à la guitare Dino Vangu. On est en 78, je crois. Voilà. Bon, il y a pas mal de choses qui sont passées là. On va quand même donc saluer une dernière fois donc. Notre oncle là qui vient de partir, donc Didier Aka, donc qui est une connaissance du frérot Aloko. Donc Aloko, un grand merci justement d'avoir fait les présentations comme ça, d'avoir permis d'avoir un ancien comme ça, donc qui puisse valider déjà notre démarche de populariser un petit peu la rumba congolaise. Donc grand big up à toi, mon pote. Bah écoute, le plaisir est partagé, quoi. Je pense que, comme il disait, c'est des musiques qui sont très, très vieilles. Eux-mêmes ne s'imaginent pas dans la communauté qu'il peut y avoir un nouveau souffle pour ces musiques-là. Et je crois que ce soir, il a bien compris le message en fait. Ouais mec, ça va, franchement c'était une chouette rencontre, et puis en tout cas voilà, c'est pas la dernière fois. Et on va rapidement faire un petit, quand bien même l'émission touche bientôt à sa fin, on va quand même faire rapidos un petit point tracklist. Est-ce que les Rastas travaillent le 1er mai? C'est ça la question. Ah bah écoute, on va continuer l'émission comme si de rien n'était, et puis si les mecs sont là, tant pis. Est-ce qu'ils travaillent un autre jour que le 1er mai aussi? Ça c'est une autre question. C'est une grande question aussi. Donc, de tout ce qu'on avait balancé, on s'était arrêté donc au Tabali de Cosmos Muntuari. Ensuite, il y a eu Sambela Tozala de Bimi Ombale. Yo. Ensuite, on a eu Biki, les Grands Maquisards, Keva, Madilu System et Niboma. Banaba Cameroun de Samangwana, suivi de Georgette Ekins, toujours Samangwana. Ça a été balancé par Aloko. Ensuite, Kiyedi, Taboulé Rochero. Et puis là, on va repartir avec Verkis et l'orchestre VV, la chanson Vicky. Let's go. Soki yoko linga kamo bali na yo yakala Bona baye baye Vike Gana kompesa kayo mbongwe Yoko yanga na kangai Yoko pesa kaye bolingo Loma na yokai Ale mimi tuna ya bato Nani yoko lingaka Nani azali na motema na yo Loba babangae Vike Sonye leke linga izotwe Pesa ngai bolingo avike Nazala kimo bali ya bato yevombali ya kana e tomeseni na libala kasi yo mobali ya sika tomeseni te paso. Mwasi mobimba bakanga esinga na lokolo e alingaka koyoka ngai te alingaka koyoka ngai te linga mobali na yo na motema moko kokutisaka ye na bambanda ye surtout tika kokutisaka ye na baburo asali na ye makasi te moto auti na ye lipaso mikolo yo e lei pelela ye ayoka e lei lobela ye apudwai mwasi mobimba kolukela ngai makambo na nzoto e ayebi nazali na lipaso na nzoto e kolukela ngai makambo mike mike bandeko e lobi na lobi na tika mokili nsima ye asepela e alingaka koyoka ngai te ah. Linga mobali na yo na motema moko ika kokutisaka ye na bambanda ye surtout ika kokutisaka ye na baburo asali na ye makasi te moto auti na ye lipaso mikolo yo e lei lobela ye ayoka e mwasi mobimba bapakola ye ndika na nzoto e akanisaki nga nakei kokufa e nabimi lopitelo nga na monoko ya ndako e nakuti avandiseli ngai buro na ndako e nakanisaki noko na ye oyo alobaka e nzoka oyo atikaleki na ye nsima nga na lipaso alingaka kokroare ngai te alingaka kokroare ngai te ata na siliki ye mosala enzombo mama linga mobali na yo na motema moko ika kokutisaka ye na bambanda ye surtout tika kokuti sakaye na baburo asali na ye makasi te moto auti na ye lipaso mikolo yo e luambo yo kela ngai na bele la ye oh luambo tika ngai na nzemba ye mwasi akokutisa yo na bato ndenge wana ezali likambo ya nsomo likambo biso yo tobelela ye mwasi akokutisa yo na bato ya baburo ya botindo oyo e ezali likambo ya mpasi na motema e tina anini alingaka koyoka yo te o papa surtout tina anini aboyaka koyoka yo te moko linga mobali na yo na motema moko tika kokutisaka ye na bambanda ye surtout tika kokutisaka ye na baburo asali na ye makasi te moto auti na ye lipaso mikolo yo e Bimi l'hôpitalo, ngana monoko yandako. Nakuti avandi selingai buru nandako. Nakanisaki noko naye oyalovaka. Nzoka oyo atikaleki naye simanga na lipaso. Alinga kako kruaro ngaite. Alinga kako kruaro ngaite. Atana siriki ye mosala enzombo. Mama linga mobali na yo na motema moko ika kokutisaka ye na bambanda ye surtout ika kokutisaka ye na baburo asali na ye makasi te moto auti na ye lipaso mikolo yo e luambo yokela ngai na bele la ye oh luambo kanga ina nzemba mwasi akokutisa yo na bato ndenge wana ezali likambo ya somo likambo biso yo tobelela ye mwasi akokutisa yo na bato ya baburo ya motindo oyo e ezali likambo ya mpasi na motema tina anini alingaka koyoka yo te o papa surtout tina anini aboyaka koyoka yo te o moko linga mobali na yo na motema moko tika kokutisaka ye na bambanga ye surtout tika kokutisaka ye na baburo asali na ye makasi te moto auti na ye libaso mikolo yo Taboulé Rochereau. Voilà, une fois de plus, on vous remercie d'avoir passé ces deux heures avec nous. On remercie Aloko aussi d'être passé nous dire bonjour et d'avoir amené Tonton Arthur et Didier Aka. Et gentiment la semaine prochaine. Portez-vous bien. Aloko, le mot de la fin. Moi, c'est Mobimba Banda qui coïmite signature Nangai. Cool. Et dans quelques instants, c'est CYM qui prend possession des locaux de l'usine. Voilà, qui fait bien le reggae. C'est parti, à plus tard. Nakangi miso, akanisi nakufi, nafungoli lisomoke nazali kotala ye. Alinga kako.